السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد ف vous l'avez entendu, la khutbah d'aujourd'hui portait sur Az-Zaka, le troisième pilier de l'islam, le monde légal. J'avais dans l'intention de m'asseoir un petit peu avec vous pour reprendre quelques-unes de ces règles et des sujets qui sont venus dans la khutbah. J'ai un petit peu douleur pendant la khutbah, donc j'ai un petit peu, j'ai un petit peu le tournis. Mais si vous avez 5 minutes, on reprendra quelques-unes de ces règles, qui sont des règles bien souvent mal comprises par beaucoup de gens. Les règles de Az-Zaka, l'aumône légale. Nous avons entendu dans la khutbah d'aujourd'hui l'importance de donner cette aumône qui est Az-Zaka, Zakatul Mal, l'aumône légale, qui est le troisième pilier de l'islam. Le mérite de donner cette aumône est la menace qui pèse sur celui qui ne la donne pas. Beaucoup de gens ne sortent pas leur aumône parce qu'ils sont ignorants des règles de l'aumône. Et l'ignorance, sans aucun doute, en soi, n'est pas une chose qui est blâmable si la personne cherche à apprendre sa religion et à sortir de cette ignorance. Donc il n'y a pas de honte à poser des questions en religion et à chercher à apprendre sa religion, bien au contraire. Et si cette honte t'empêche de connaître les règles obligatoires pour toi dans ta religion, eh bien cette honte deviendra quelque chose de très blâmable, de très blâmable. Et comme je vous l'ai dit, beaucoup de questions qui m'ont été posées par certains frères à propos de Az-Zaka tournaient autour du fait qu'ils étaient ignorants des règles de Az-Zaka. Et on les retrouve après 2, 3, 4, 5 ans à poser la question « comment je dois faire pour sortir Az-Zaka ?» Et bien sûr, cette question s'applique à cette année et aux 4-5 ans qui sont en arrière, ces années où il n'a pas sorti Az-Zaka. Comme je l'ai évoqué dans la khutbah d'aujourd'hui, Zakat al-Mal s'applique sur quatre catégories de biens qui sont imposables. Donc, sur les deux monnaies, qui sont l'or et l'argent, et ce qui prend la place de l'or et l'argent aujourd'hui parmi ces billets de banque et ces monnaies, que ce soit du dinar, du dirham, de l'euro, du franc ou autre que cela. La deuxième, ce qu'on appelle l'urud al-tijariya ou urud al-tijara, c'est-à-dire les biens commerciaux qu'on expose à la vente. Ils sont de différentes sortes. Cette chose aussi est une chose, ou cette catégorie est une catégorie que beaucoup de gens ignorent et ignorent les règles qui les régissent. La quatrième, les bestiaux. La troisième, les bestiaux, Ahsan. Et la quatrième, ce qui sort de la terre, les récoltes. Concernant la troisième et la quatrième, je n'ai pas beaucoup détaillé dans la khutbah parce que c'est quelque chose, on va dire que de nos jours et ici en particulier, on trouve peu de gens qui ont des bestiaux ou des récoltes. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. Certains d'entre vous peut-être ont des bestiaux, que ce soit ici en France ou même dans leur pays d'origine, et des récoltes. Il convient donc de le savoir, et beaucoup de gens malheureusement sont ignorants de cela. On peut trouver des gens qui posent la question sur 10, 20 ans passés qui n'ont jamais sorti, alors que ce sont des éleveurs aguerris. Ils sont aguerris dans la science de l'élevage, mais ils ne savent pas qu'il y avait une zaka à donner sur les bestiaux. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a des bestiaux? Mohamed, tu as des poulets? Les poulets, hein? Allah mabarak. Sur les poulets, il n'y a pas de zaka. Sur les poulets, il n'y a pas de zaka. Comme je l'évoquais dans la khutbah, la zaka se fait sur les camélidés, c'est-à-dire les chameaux, les bovins et les ovins. Les ovins et les caprins. C'est-à-dire les ovins et les caprins, c'est-à-dire tout ce qui englobe les moutons, les chèvres, etc. Concernant les poulets, il n'y a pas de zaka à sortir. C'est quelque chose qui, comme je l'ai évoqué, qui trouve son détail dans les livres de fiqh. Revenez à cela si vous avez des troupeaux. Mais ce qu'il faut savoir rapidement, c'est qu'il n'y a pas de zaka en dessous de 40 caprins ou ovins. La zaka, elle commence à partir de 40. C'est-à-dire si tu en as 39, tu n'as pas de zaka à donner. À partir de 40, tu dois donner zaka. pour les bovins à partir de 30. Tu en as 29, tu n'as pas de zakat à donner. À partir du 30e, tu deviens éligible à la zakat. Et concernant les camélidés, c'est-à-dire chameaux et autres, de la race des camélidés, à partir de 5. Si tu as 4 chameaux, tu n'es pas éligible à la zakat. À partir de 5 chameaux, tu es éligible. Concernant ce qui touche la quatrième catégorie, les récoltes, je vous invite à revenir vers les livres de fiqh, car il y a des détails qui sont à étudier. Revenons rapidement donc à ce qui nous importe le plus, ce sont ces deux monnaies. L'or et l'argent, et ce qui prend la place de l'or et de l'argent. La plupart des gens de nos jours n'ont pas d'or et d'argent chez eux, ou la plupart des gens. Il y a certaines personnes qui ont investi, qui ont acheté des lingots d'or, etc. Ça, c'est une chose qui se fait encore. Mais la plupart des gens, ils ont de l'argent. Ils ont un compte en banque avec de l'argent, etc. Ou alors, ils ont de l'argent sous le matelas, comme on dit. Maintenant, sur cet argent-là, sur ces billets de banque, ici, on va parler en euros, il y a des facteurs à observer pour savoir si tu es éligible à zakat. Premièrement, est-ce que ton argent que tu as a atteint le seuil imposable, an-nisab? Quel est le seuil imposable? 3 000 euros. 2 500. Ça dépend du pourquoi. Ce qui a été fixé dans l'Hadith concernant an-nisab, le seuil imposable, concernant l'or et l'argent, est pour l'or 20 mithqalan, ce qui équivaut à 84-85, certains parmi les savants disent 92 grammes d'or, c'est-à-dire dans ces environs-là. On dira 85 pour un juste milieu, et c'est de l'or pur. On parle ici de l'or pur. Concernant l'argent, 120 mithqal, ce qui équivaut à 595 grammes d'argent. Pour savoir donc à combien s'élève un nisab, ce seuil, eh bien, tu regarderas le cours de l'or ou de l'argent au jour où tu voudras sortir, où tu devras sortir az-zaka. Maintenant, la plupart des savants, parmi les instances connues et reconnues, parmi ces instances, c'est le Majma' al-Fiqhi en Arabie Saoudite, de même que l'Ajnatu Da'ima, l'Assemblée permanente des grands savants et de l'Ifta, de même que beaucoup de nos grands savants, estiment que ces monnaies doivent être estimées en argent. C'est-à-dire qu'on regarde le seuil de l'argent, on regarde à combien s'élève 595 grammes d'argent en euros, et à partir de là, tu sauras si tu es éligible à zakat ou pas, par rapport à l'argent, et non par rapport à l'or. Même s'il y a une divergence sur cela, mais la plupart des savants et les grandes instances connues et reconnues voient qu'on regarde par rapport à l'argent. Et ceci est plus profitable pour les pauvres. Car sans aucun doute, tu atteindras le seuil obligatoire, le seuil imposable, plus rapidement si tu regardes par rapport à l'argent que si tu regardes par rapport à l'or. Une autre chose à regarder, il faut que ton argent ait passé un an au-dessus de ce seuil imposable sans être descendu en dessous de ce seuil. Une chose que beaucoup de gens ignorent ou sont insouciants par rapport à cela, le fait qu'il faut que cet argent, lorsqu'on dit un an, que un an soit passé sur cet argent, un an sans que le seuil soit descendu, sans que la somme soit descendue en dessous du seuil. On va dire que le seuil est 1000 euros. Si au mois de... Donnez-moi un mois, s'il vous plaît. Janvier, un autre mois. Ramadan. Arsène. Une chose qui est très importante, Ayoual Ikhwa. Les règles dans notre sharia, dans notre législation, lorsqu'on parle de temps, d'une période, en année, en mois et autres, on se basera sur le calendrier lunaire. Et ceci est très important. Pourquoi? Car il y a une différence d'environ 6, voire un peu plus, de jours par an entre les deux calendriers. Ce qui fait que si tu prends le mois de janvier, le début janvier, eh bien, à l'année d'après, tu seras éligible de Zaka après ou avant ce terme-là? Hein? Avant. Puisque le mois lunaire, le calendrier lunaire ou l'année lunaire est en dessous du calendrier solaire en termes de nombre de jours. Donc si tu décèdes avant le terme fixé de 3 jours, de 2 jours, eh bien tu auras cette zaka à sortir que tu n'auras pas sorti puisque tu te seras fixé, tu te seras basé sur le calendrier solaire. Donc qui devra sortir zaka pour toi? Tes héritiers. Et si tu t'es fixé sur ce calendrier solaire et que tu n'as pas enseigné, tu as pris cela comme chose acquise et que tu n'as pas enseigné cela à tes héritiers, ben il restera cette zaka que tu n'auras pas donnée. Ceci est très important. On ne croit pas comme cela. On se dit, c'est la même chose de date. Mais regardez l'importance. Une dette que tu dois à Allah, tabaraka wa ta'ala, à propos de laquelle tu ne te seras pas acquitté. Donc, on prend le mois de Ramadan, par exemple, comme on a dit. Et ceci est quelque chose de facile, puisque dans certains pays, comme par exemple ici en France, peut-être que la plupart des gens n'ont pas l'habitude de compter avec le mois lunaire, de compter les jours avec le calendrier lunaire, pardon. Par contre, le mois de Ramadan, ou le mois de Dhul-Hijjah, ou le mois de Muharram, qui est le premier des mois, ces trois mois-là sont des mois qu'on a l'habitude de se rappeler. Si je te demande dans quel mois on est aujourd'hui, peut-être que la moitié de la mosquée ne saura pas. On est au mois de Jumad al-Akhira. Mais là, peut-être que la moitié de la mosquée ne saura pas. Par contre, si je te dis dans combien de temps c'est Ramadan, tu vas me dire c'est dans trois mois. Tout le monde le sait. On est tous fixés sur le mois de Ramadan. C'est pour cela que beaucoup de savants disent qu'il est plus facile pour, comme je l'ai dit ici, pour le salarié, on va y venir, de choisir un mois et que ce soit le mois de Ramadan par exemple, car c'est quelque chose de facile à se retenir. Donc, que pendant un mois, prenons le mois de Ramadan, tu as eu 1500 euros au mois de Ramadan de l'année 1442, donc l'année dernière. Pendant toute l'année, tu as mis de l'argent de côté et au mois de Ramadan de cette année 1443, tu arrives à 10 000 euros. Eh bien, tu devras donner az-zaka au mois de Ramadan, sur l'argent que tu as, on va y venir ici rapidement, sur l'argent que tu as actuellement. Par contre, si au mois de Ramadan de l'année 1442, tu avais 1500 euros, donc tu étais au-dessus du seuil imposable, puis 3-4 mois après, tu as acheté une voiture, ton compte en banque est arrivé à zéro. Puis le mois d'après, tu as rentré dans ton compte 1500 euros, tu es redevenu imposable. Est-ce que tu donneras zaka au mois de Ramadan? Non. Tu donneras az-zaka ou tu seras éligible de az-zaka à partir de ce mois où tu es remonté au-dessus du seuil imposable de nisab. C'est quelque chose de très important. C'est-à-dire on recommence à compter, on arrête de compter. On avait commencé à compter au mois de Ramadan parce qu'on a été éligible az-zaka au mois de Ramadan. Si on n'a plus d'argent, on descend en dessous du seuil, on recommencera à compter à partir du moment où on remontera au-dessus du seuil imposable. Très important. Une autre chose, donc on a dit qu'il fallait regarder si on était éligible au-dessus, que notre argent avait atteint ce seuil, que l'année entière soit passée sur cet argent. Concernant le salarié, celui donc qui a un salaire fixe et qui met, et sûrement le cas de beaucoup d'entre nous ici, qui met de l'argent de côté tous les mois. Il a un salaire de 2000 euros, tous les mois il met 500 euros de côté par exemple. Un an après avoir été éligible à Zaka, on se retrouvera avec une somme, comme ici par exemple 10 000 euros. Mais ces 10 000 euros-là, et ça c'est une ambiguïté, et c'est une ambiguïté dont la personne est en droit de se poser des questions. Est-ce qu'il doit donner l'argent sur ces 10 000 euros ou simplement sur les 1 500, parce que ce sont uniquement ces 1 500-là sur lesquels sont passées une année lunaire? Il devra donner sur les 10 000 ou sur les 1 500? Hein? Sur les 10 000? 1 500? Il sera obligé, l'obligation sera de donner sur les 1 500. Par contre, l'obligation, puisqu'on a dit que parmi ces conditions qui te rendent éligible à Zaka, que ton argent soit passé au-dessus du seuil, puis qu'une année soit passée sur cet argent-là. L'argent qui sera tombé le mois d'après, une année ne sera pas passée sur cet argent. Donc on ne peut pas t'obliger, te dire tu es obligé de sortir de l'argent dessus. Par contre, les savants, comme vous l'avez entendu dans la khutba ici, les savants, pour faciliter et par précaution de ne pas oublier, pour faciliter par précaution, tu sortiras az-zaka sur l'ensemble de cet argent, sur les 10 000 euros. Et dans ta niya, dans ton intention, tu auras l'intention de donner tout cet argent en avance. De donner toute cette zaka, pardon, en avance. Parce que sinon, tu te retrouveras, ceci dans le cas du salarié, comme je l'ai dit, qui a un salaire, qu'il met une partie de son salaire de côté tous les mois. Tu te retrouveras à sortir zaka quand ? Hein ? Chaque mois. Tous les mois. Parce que chaque mois, l'argent que tu auras mis de côté l'année dernière, eh bien, ça y est, cet argent aura fait un an. Ceci est difficile et ceci t'expose à l'oubli. Si tu commences à sortir de l'argent comme ça tous les mois, sortir 20 euros par exemple tous les mois, plutôt que de sortir 200 euros, 500 euros ou 250 euros ici en l'occurrence pour 10 000 euros, 250 euros, une seule fois dans l'année. Tu sortiras ton obligation de zaka sur cet argent sur lequel une année est passée, puis tu mettras l'intention de sortir en avance, car ceci est autorisé par la plupart des savants, de mettre cette intention de sortir en avance l'argent. Une autre chose ici, donc, combien tu dois sortir ? On a dit 2,5%, donc pour chaque centaine d'euros, tu devras sortir 2,50 €. Pour chaque millier d'euros, combien ? 25 €. Pour chaque dizaine de milliers d'euros, 250 €. C'est simple. 2,5% sur ton argent, c'est ce que tu dois sortir. À qui tu dois le donner ? Comme je l'ai évoqué ici dans la khutbah, comme vous avez entendu, premièrement, il sera autorisé que quelqu'un le sorte à ta place. C'est-à-dire que tu délègues quelqu'un pour sortir ton argent. Donc toi, tu as de l'argent, tu ne sais pas où sont ces personnes-là à qui tu peux donner l'argent. Ces personnes, c'est 8 catégories qui ont été évoquées dans le verset. C'est 8 catégories qui sont les pauvres, les indigents, ceux qui travaillent à ramasser az-zaka, les travailleurs, ceux qui travaillent à ramasser az-zaka dans les pays où le gouverneur envoie des gens pour ramasser az-zaka, donc ces trois-là. Le quatrième, celui qui a un penchant vers l'islam, que tu veux attirer à l'islam, tu as le droit de lui donner az-zaka, même si cette personne détient de l'argent, même s'il n'est pas pauvre, mais tu veux l'attirer à l'islam par cela. Ensuite, libérer des esclaves, comme il est venu dans la traduction approximative du verset, l'affranchissement des joues. Puis, Al-Ghalimin, ce sont ceux qui sont endettés, donc ceux qui ont les cœurs à gagner en islam. L'affranchissement des joues, ici je lis la traduction approximative du verset, ce sera plus parlant. L'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés, ici on traduit lourdement. On dira ceux qui sont endettés, c'est ce qui est venu dans le verset. Al-Ghalimin, ceux qui sont endettés. Dans le sentier d'Allah, selon tout ce que implique cette expression fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, et bien sûr ça n'implique pas ces gens qui s'appellent Jama'at Tablir ou Al-Ahbab, qui se disent fi sabilillah. Pas ça. Tout ce que ça implique, selon un sens shari, légiféré de fi sabilillah. Et pour le voyageur, même si celui-ci dans son pays, il a de l'argent. Il n'est pas pauvre ou indigent dans son pays, mais il est voyageur. C'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Ces 8 catégories sont les catégories à qui tu peux donner, donc, ou à qui tu... Ibn Sabil, c'est le voyageur. Il a été appelé Ibn Sabil, c'est-à-dire, dans une traduction littéraire, le fils du chemin. Le voyageur. Ici, donc, ces catégories-là, il t'est obligatoire de sortir ton argent, ta zaka, dans l'une de ces catégories-là. Ou dans plusieurs de ces catégories-là. Il n'était pas obligatoire de choisir une seule catégorie, une seule de ces personnes, et de lui donner. Ou un seul pauvre, et de donner uniquement à cette personne. Tu peux prendre ton argent et le donner à 10, 20, 50 pauvres, comme tu veux. Tu peux donner un peu à des pauvres, un peu à des indigents, un peu à... Il n'y a pas de mal à cela. Une autre chose, tu as le droit de déléguer quelqu'un. Tu ne connais pas de personnes qui sont éligibles, qui peuvent prendre cette zaka. Et toi, tu es éligible à zaka, tu délègues quelqu'un qui connaît, il lui donne. Il n'y a pas de mal à cela. Il t'est interdit, une autre chose, de donner cette zaka dans les projets de bienfaisance. Ici, pour expliquer cette partie-là, ce n'est pas... Et des fois, il y a des associations de bienfaisance qui récupèrent votre zaka quand ces associations sont des gens qui sont sûrs, de bonnes mœurs, de confiance, tu peux leur donner et eux, ils vont te donner, ils vont donner zaka pour toi. Ce n'est pas ça qui est voulu quand on dit les projets de bienfaisance. C'est-à-dire de donner dans une association pour qu'elle l'utilise pour donner dans des projets de bienfaisance. Ou que toi-même, tu donnes à un projet de bienfaisance comme cela, pour construire une mosquée. Non, ça ne fait pas partie de ces catégories, ces huit catégories. Donc ceci est interdit. Plutôt, ta zakat, elle n'est pas acceptée. Et celui qui l'a donné cette zakat de cette manière-là, l'année passée, l'année d'avant, l'année... celui-là, il faut qu'il sache qu'il doit ressortir sa zakat. Sa zakat n'est pas acceptée. Ça, c'est une chose dont, à propos desquelles beaucoup de gens se trompent. Ils se disent, je ne savais pas. Non, ça c'est une dette due à Allah, tabaraka wa ta'ala. La plupart des savants, ils voient que c'est autorisé quand il y a un besoin, un intérêt. Quand il y a un intérêt. Le seuil ? Inch'Allah. Juste, on termine sur ce point-là. Une dernière chose, des personnes à qui tu n'as pas le droit de le donner, une chose à propos desquelles beaucoup de gens se trompent, il y a tes ascendants et tes descendants. Tes ascendants, c'est-à-dire tes parents, tes grands-parents, etc. Tes descendants, c'est-à-dire tes enfants, tes petits-enfants, etc. De même que à ta femme ou à tes femmes, de même que... De même que à tes enfants. De même que, pardon, à chaque personne à qui il t'incombe de pourvoir à ses besoins. Par exemple, tes tantes, tout ça c'est valable. Tes tantes et tes oncles, c'est valable. Mais si ces gens-là, ce ne sont pas toi qui les prends en charge. C'est-à-dire, comme par exemple ton oncle, par exemple un oncle qui vit avec toi et c'est toi qui t'occupes de lui parce qu'il est malade, parce que quoi que ce soit, tu es dans l'obligation de dépenser pour lui. Il est à ta charge, comme on dit à ta charge. D'accord ? Il ne peut pas prendre ta zakat. En fait, s'il est à ta charge, il ne peut pas prendre ta zakat. Mais s'il n'est pas à ta charge, comme il vit quelque part d'autre, dans sa maison, etc., mais qu'il fait partie de l'une de ces catégories, eh bien, elle sera autorisée de lui donner. Plutôt, il sera meilleur de lui donner à lui parce qu'il a ce droit aussi de proximité, car il est proche, il a ses liens de parenté. D'accord ? Une chose donc dans laquelle, à propos de laquelle beaucoup de gens se trompent, le fait qu'ils donnent à leurs enfants, ils donnent à leurs parents, ils donnent à un tel. Ceci est interdit. Ni ascendant, ni descendant, ni femme, ni n'importe qui t'incombe de donner. Car ces gens, soit les ascendants ou les descendants, il t'est obligatoire de dépenser pour eux. Si ton père ou ta mère, ils sont indigents, tu vas les laisser comme ça, tu ne vas pas donner l'argent pour eux. De même que tes enfants, c'est obligatoire pour toi de donner. Donc, ça rentre dans cette catégorie plus générale, tous ceux qui t'incombent, à qui t'incombent de pourvoir à ses besoins. D'accord ? Concernant le seuil, vous avez compris combien... Un dixième multiplié par 2,5. Hein ? C'est le nisab combien, le nisab ? Il faut regarder. En argent, je ne sais pas. Parce qu'il faut regarder. Parce que ce... Je te dis. Parce que ce qui est venu dans les textes de la sunna, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas parlé en billets. Il a parlé en or et en argent. Nous, pour savoir le billet, il faut qu'on regarde quoi ? L'argent. L'argent, c'est 595 grammes d'argent. Ça, c'est le seuil. 595 grammes d'argent. Tu regardes sur Internet, par exemple. Le jour où tu dois le sortir, tu regardes sur Internet combien il est ce jour-là, l'argent il est à, ou plutôt là, aujourd'hui tu regardes sur Internet. Tu regardes par exemple l'argent, 595 grammes, ça fait 500 euros par exemple, 500 euros. Tu regardes sur ton argent que tu as, compte en banque, sous le matelas, comme tu veux, dans le portefeuille, tu regardes l'argent, tu réunis tout l'argent que tu as. Chose très importante, ayyuhal ikhwa, réunis tout l'argent que tu as, c'est pas... Tu laisses une partie de ton argent quelque part, une partie là, ça il est sûr. Un livret d'épargne, sachant que le livret d'épargne est un livret qui travaille avec al-fawa'id al-ribawiyya, avec l'usure. Donc ce n'est pas permis d'avoir un livret d'épargne. Mais tu vois, sur un livret d'épargne, ça c'est de l'argent que j'ai laissé de côté pour plus tard, donc je l'oublie, je ne le rentre pas. Non, tout l'argent que tu as, tu le rentres dans tes comptes. Tu regardes. Est-ce que ça a atteint mon argent, ça a atteint ce seuil-là ? Eh bien, à partir de là, tu sais que tu commences à compter à partir d'aujourd'hui. D'accord ? 595 grammes d'or. Regarde sur Internet, 500 000 euros, Allahu alam. Tu regardes sur Internet aujourd'hui, tu vois, est-ce que tu as cet argent-là ? L'argent, L'argent que tu as prêté aussi, ça rentre dedans. L'argent que tu as prêté aussi, ça rentre dedans. L'argent que tu as prêté, le ulama, ils disent par rapport à l'argent que tu as prêté. Concernant la personne, si cette personne-là peut te rendre l'argent, elle, tu sais qu'elle va te rendre l'argent à tel moment, eh bien, tu donnes zakat sur cette dette, en avance, donc, avant qu'elle te rende, parce que cet argent-là, c'est ton argent. Tu donnes zakat dessus. Ou alors, si cette personne-là est quelqu'un qui ne peut pas forcément te rendre maintenant, tu donneras zakat sur cet argent-là au moment où tu récupéreras la somme. Sur les cautions ? Une chose très importante, sur laquelle il faut mettre l'accent. Comme je l'ai dit dans la khutbah, ce que tu as, qui est ton bien, un bien personnel, que tu utilises quotidiennement pour des utilisations personnelles, comme par exemple un appartement, une maison, la voiture personnelle, même un local commercial que tu utilises pour faire ton commerce dedans. Toutes ces choses-là sont des choses que tu as, donc, c'est-à-dire tu as de ces choses-là une utilisation personnelle, eh bien il n'y a pas de zakat. Par contre, sur ces choses-là, lorsque tu les mets en location, que ce soit voiture ou autre, il y a, mais pas sur cette chose-là elle-même, c'est-à-dire pas sur la voiture ni sur l'appartement, mais sur l'argent que tu retires de ce loyer. C'est de l'argent. Une autre chose très importante, des terres, et ça touche beaucoup de frères. Des terres que tu as achetées. Tu as une terre. Cette terre, à la base, cette terre-là, tu n'as pas de zakat à donner dessus. Sauf si tu as préparé cette terre pour la revente. Ah, ça c'est important. Parce que des frères, ils achètent une terre ici, une terre là, et ils oublient cette chose-là. Ils l'oublient. C'est une terre, je l'ai achetée. On regarde ton intention. Est-ce que tu l'as achetée pour construire dessus et habiter dessus, ou tu l'as achetée en attendant que les prix montent et pour la revendre plus tard? Et beaucoup de gens l'achètent en espérant, surtout quand tu l'achètes au pays, tu attends un petit peu, tu achètes une là, et quand ça augmente, tu la revends. Cette chose-là, ça rentre dans urub at-tijara, c'est-à-dire les produits que tu utilises pour faire du commerce. À partir de là, tu devras donner zakat dessus. À ce moment, comment tu peux savoir combien tu dois donner sur cette terre-là? Tu regardes le prix qu'elle vaut. Le prix qu'elle vaut au moment où tu dois sortir zakat, le prix à la vente et non à l'achat. Tu ne regardes pas une terre que tu as achetée il y a 10 ans, tu l'as achetée 2000 euros, aujourd'hui elle en vaut 20 000 et tu sors sur 2000 euros. Non, au moment où tu dois sortir zakat à la vente, le prix de vente. Et ceci pour l'ensemble de urub at-tijara, c'est-à-dire ces choses, ces biens que tu as en vente, comme par exemple si tu as une épicerie, une fois dans l'année, choisis un jour dans ton année, un jour pour les commerçants. Choisis un jour dans ton année, tu fais ce qu'on appelle le jard. Tu regardes tous les produits que tu as en vente. On ne parle pas d'une machine, par exemple, une machine dans ton restaurant qui te sert à faire, par exemple, de la pâtisserie ou etc. etc. Non, ces machines-là, il n'y a pas de zakat dessus. De même que sur le local, il n'y a pas de zakat dessus. De même que sur telle et telle. Ces choses-là, comme on a dit, il n'y a pas de zakat. Mais les choses que tu utilises pour revendre, sur lesquels tu tires un bénéfice, eh bien, ces choses-là, tu prends un jour dans l'année et tu regardes l'ensemble de tes affaires que tu as, de tes produits en vente. Tu calcules combien ça te fait à la vente, pas à l'achat. Tu les as achetés 2 euros, tu les vends 4 euros, tu calcules sur 4 euros à la vente et tu sors 2,5% de l'ensemble de cela. Une fois tous les ans, c'est ce qu'on appelle la zaka des biens qui sont à mettre en vente. Ce que tu as déjà vendu, on regardera l'argent que tu as retiré. Si l'argent il reste là et que ça fait partie de ton capital, à ce moment-là, tu sortiras dessus. Si l'argent, tu l'as utilisé pour toi, ça y est, il est parti, tu l'as utilisé, ça c'est autre chose. Si tu l'as pris et tu l'as mis sur ton compte, par exemple, de côté, et bien ça, on revient à zakat sur l'argent, comme l'or et l'argent, donc sur les billets de banque. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين